Griswold essaie de minimiser, devant Arnolf furieux, les inconvénients d'être cocu. Mais Arnolf ne l'entend pas de cette oreille et ordonne à ses serviteurs de rosser sur le dos le galant quand il arrivera. Quand commence l'acte 5, Arnolf reproche à ses mêmes serviteurs d'être allés trop fort et d'avoir tué le galant. Mais voilà qu'Horace apparaît.